Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 22 mars 2016. Merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. Depuis hier, Julie Pilorger nous raconte l'histoire des femmes au Moyen-Âge. Les femmes au Moyen-Âge, mais loin des idées reçues. Dans un instant, le deuxième épisode, les femmes au travail. Et puis en deuxième partie, je reçois Valérie Marat-Lamellé, qui vient d'éditer chez Philippe Ray un livre d'amour consacré à Port-au-Prince, à ses artistes, à ses écrivains surtout. Chérir Port-au-Prince, c'est le titre de cet ouvrage. On en parle dans un petit quart d'heure. Tout de suite, Tête chercheuse. Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues, avec la médiéviste Julie Pilorger. Deuxième épisode, les femmes au travail. Bonjour Julie Pilorger. Bonjour. Alors, est-ce qu'il faut faire d'abord un distinguo entre la ville et la campagne quand il faudra parler des femmes au travail au Moyen-Âge ? Alors, c'est évident que le travail des femmes à la ville et à la campagne est totalement différent. Dans un monde essentiellement rural, les femmes jouent un grand rôle dans les travaux des champs, même si elles ne jouent pas à part égale avec les hommes. Elles sont ainsi exclues des semailles pour des raisons tant physiques que symboliques. La terre étant la femme, c'est à l'homme que revient la charge d'y faire pénétrer la semence. Cependant, elles contribuent aux fenaisons en juin, participent à la confection des gerbes de la moisson fin juillet et cueillent le raisin aux vendanges de septembre. Elles s'occupent également de la carte des troupeaux et on pense bien sûr à l'exemple de Jeanne d'Arc dans les premières années de sa vie, la bergère de Don Rémy. Voilà, et elle traite également bien sûr les vaches, les chèvres, baratte le beurre, fabrique le fromage et c'est là qu'on peut faire le lien également avec la ville, c'est que souvent, nombre d'entre elles peuvent aller revendre en fait les fruits de ce travail à la ferme en ville. Et d'ailleurs, c'est l'idée que la ville aussi est un espace parfois de liberté pour les femmes rurales, en cela qu'elles peuvent nouer une nouvelle sociabilité en allant à la ville. Il ne faut pas opposer, ni actuellement, mais encore moins au Moyen-Âge, la ville et la campagne, puisque les deux en fait sont interconnectés. Mais sauf que le statut de la femme, quand elle vend les produits, ça se passe pas à la campagne, c'est la ville. C'est la ville, oui. Elle doit aller effectivement quitter la campagne pour aller à la ville vendre ses produits. Alors après, on peut imaginer que dans des hameaux, tout le monde ne possède pas effectivement ou ne cultive pas les mêmes biens et qu'après, il y a un commerce, une sorte d'entraide entre ces femmes. Et qu'en est-il pour la ville ? Alors pour la ville, pour faire le lien donc avec la place des femmes, notamment la campagne, il y a donc trois pôles essentiels où on distingue le travail des femmes. Il y a donc le petit commerce d'alimentation, mais également de revente textile. On en vient donc au second pôle, le textile, qui est quand même l'activité par essence, selon bien sûr les médiévaux et les moralisateurs du Moyen-Âge, donc en raison de la finesse de leurs mains, donc là, le métier réservé aux femmes. Et il y a enfin les soins. Alors pour le petit... Qu'est-ce qu'on appelle par les soins, c'est-à-dire un travail plutôt infirmière ou domestique? C'est les deux. C'est domestique, on les trouve beaucoup dans la domesticité, même si on trouve peu d'informations à leur propos dans les sources. Ça va être à l'occasion d'une bagarre dans une rue, entre une servante et une autre, on va voir évoquer effectivement la présence de ce qu'on appelle souvent une mesquine. Ça fait référence à la mesnie, le foyer au Moyen-Âge. Mais on va les retrouver dans les testaments, lorsqu'effectivement leur les propriétaires, leurs patrons, vont parfois leur faire quelques dons. Et sinon, les soins, c'est bien les sœurs à l'hôpital qui vont donc s'occuper des pauvres, hein, parce que les hôpitaux, au Moyen-Âge, c'est pas tant des espaces de soins que des espaces d'accueil des pèlerins, des pauvres bourgeois. Et on va surtout les retrouver, eh bien, aux soins des femmes en couche, avec donc les sages-femmes qui sont institutionnalisées dans diverses villes d'Europe à la fin du Moyen-Âge, afin de venir en secours aux femmes en couche, hein, puisque la mortalité infantile était très importante au Moyen-Âge. C'est un terrain assez intéressant, la question de ces sages-femmes qui vont donc se développer, notamment, là encore, au nord de l'Europe, à partir du XVe siècle, puisqu'elles sont parfois rémunérées par la ville, donc pour aller aider les femmes en couche. Elles sont dites détentrices d'une science, ce qui est très rare, hein, on trouve cela dans les sources, puisque à l'époque, les hommes ne touchent pas au corps féminin, en tout cas, ces affaires proprement féminines, et elles ont souvent de nombreuses récompenses. Elles obtiennent donc soit un salaire annuel, soit eh bien, des aides du drap en supplément, ou du sel, etc. J'ai également à Amiens l'exemple d'une célèbre sage-femme, Jeanne Laborde, qui réussit à obtenir l'exemption du guet pour son mari, afin que celui-ci garde les enfants la nuit tombée quand elle part aider les femmes en couche. Donc c'est la garde, le congé paternité avant l'heure, si on peut dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait déjà des métiers pour femmes et d'autres réservés exclusivement aux hommes? Alors, on ne trouve pas ou très peu d'interdictions clairement stipulées où on interdirait un métier aux femmes. Après, traditionnellement, effectivement, il y a une division sexuelle du travail qui s'instaure dès le Moyen-Âge. On va davantage privilégier pour les femmes donc le travail du textile. Elles vont donc filer, tisser. On a toutes ces représentations, notamment dans Bocasse, où on voit ces gentes dames qui vont filer donc autour de leur quenouille. Notamment, ça peut être aussi une activité exercée à la campagne, hein, notamment en gardant les brebis. Si on étudie le livre des métiers d'Étienne Boileau, qui était prévôt de Paris sous Saint-Louis, on relève sur quelques 110 corporations l'existence de 5 métiers entièrement féminins, qui sont cette fois réservés exclusivement aux femmes et qui concernent tous le travail de la soie, et je dirais environ quand même plus d'un quart où les femmes sont présentes. Alors après, elles peuvent être présente institutionnellement, donc dans la rédaction des ordonnances, c'est mentionné au moment de la rédaction des ordonnances. Parfois, elles ne sont pas mentionnées dans les ordonnances, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas ce qu'on appelle très techniquement la diadique, on n'utilise pas la forme féminine et masculine du métier, mais seulement sa forme masculine. Mais on va retrouver plus tard dans les sources de la pratique la présence de femmes. Il faut toujours faire la différence entre cette question d'institutionnalisation, qui voudrait notamment, par exemple, que les femmes n'exercent pas le métier de barbière ou de chirurgienne, c'est-à-dire de femme médecin. Dans les faits, on trouve, notamment à Paris, plusieurs femmes médecins qui semblent exercer relativement sans problème leur métier. Toutefois, une certaine Jacqueline Félicie, qui serait originaire d'Allemagne, sera interdite de l'exercice de la médecine à la fin du XVe siècle. On note effectivement, à la fin du XVe siècle, un progressif renfermement des femmes sur l'espace privé, c'est-à-dire qu'on va progressivement, effectivement, leur interdire l'accès à certains métiers. Souvent, sous le coup d'arguments assez fallacieux, en fait. Puisque, pour prendre l'exemple d'Amiens, lorsqu'une nouvelle industrie drapière, qu'on appelle la sétrie, qui est en fait du gros drap, arrive à Amiens en 1480, les ouvriers viennent de Saint-Quentin, ils ont été chassés par Louis XI suite à la fin de la guerre de Cent Ans, eh bien, on voit la moitié des ouvriers qui se présentent pour l'édification des ordonnances, on voit qu'il y a la moitié des ouvriers qui sont des femmes. Des femmes sont donc maîtresses, prennent même en apprentissage leur mari, elles apprennent à leurs enfants, Cela pendant environ une trentaine d'années. Puis en 1511, quand on refait les ordonnances, on dit très vaguement que désormais, lorsqu'un homme et une femme exerceront le même métier de 7 heures, ça serait bien que la femme arrête, car ce n'est pas égaux pour tous que deux travaillent au même métier. Donc c'est très flou, on parle de la loi des villes du pays communément, mais en fait il n'y a pas d'antécédent. Et cette raison c'est quoi? C'est pour répondre à une, entre parenthèses, entre guillemets surtout, une crise économique? Exactement. Ou c'est une mentalité sexiste qui se mettait en place? C'est les deux. Par exemple, pour poursuivre, à Norwich, en 1511, donc à la même année, on va également interdire donc les femmes d'exercer le métier de tisserande. Mais là, ils sont plus francs, même si l'argument, je le disais, est fallacieux, ils vont interdire l'exercice de ce métier aux femmes car leur faiblesse physique ne leur permet pas d'effectuer toutes les opérations. Bon, visiblement, quelques années auparavant, ça ne posait pas problème. Donc, il y a tout d'abord, je pense, l'idée d'un monopole qui va s'installer progressivement, une idée qui est quand même très moderne. C'est déjà le début, l'avènement du capitalisme en germe. Et donc, il y a cette idée qu'on va mettre en place un monopole. Et les premières personnes qui vont être exclues de ces corporations, ce sont les femmes, les étrangers également. Je pense qu'il y a une évolution des mentalités et chez les moralisateurs, on retrouve effectivement dans le discours l'idée que la femme, que la place de la femme doit être à la maison, au sein du foyer, près des enfants. Et est-ce qu'on peut dire que néanmoins, il y avait des femmes qui pratiquaient des métiers d'hommes? Il y en a même beaucoup. Dans le nord de la France, on voit qu'au moment de la construction des remparts, il y a un grand moment de construction des remparts au moment de la guerre de Cent Ans, hein, qui touche sévèrement le nord de la France à la fin du XIVe siècle, puisque c'est le moment où l'Angleterre multiplie les victoires. Eh bien, des femmes vont participer à la construction des remparts. On les trouve comme hautières ou cordières à porter les pierres pour construire les remparts. Il y a également des femmes orfèvresses, d'autres enlumineresses. Elles peuvent exercer également les métiers de souffleurs de verre, forgerons, maçons. Donc la question de la force physique semble être vraiment convoquée, quand ça arrange, on va dire, les jurés du métier, c'est comme ça qu'on les appelle, que ce soit pour des raisons économiques, de crise, mais également d'équilibre de l'offre et la demande. Est-ce qu'à un certain moment, les gens ont statué, ont légiféré sur cette nature féminine et la force physique des femmes? Légiférer, alors ça c'est un de mes terrains encore de travail sur lesquels je m'interroge beaucoup. On a des traités, notamment, on utilise des traités pour justifier une certaine faiblesse physique des femmes. On fait notamment référence aux théories de Galien, donc médecin de la basse antiquité, qui a développé la théorie des humeurs, selon laquelle la femme est à davantage un être chaud, mou, humide. Il est assez évident de comprendre pourquoi on associe l'humidité aux femmes, en raison des menstrues, alors que l'homme est un être de raison, froid, donc un être qui se maîtrise. Et on va beaucoup reprendre les théories de Galien, effectivement. Saint Paul et Tertullien ont beaucoup également écrit sur ça. Alors, sur la faute d'Ève, bien sûr, le péché originel qui a donc avili toute l'humanité et qui donc doit payer par un labeur, par un travail difficile, sa faute. Et tout ça va justifier le fait qu'on conditionne effectivement les femmes soit à des tâches très basses et assez ingrates, soit à des tâches qui ne demandent aucun effort physique. Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues, c'est une série avec la médiéviste Gilly Pilorger qui est avec nous toute cette semaine. Vous êtes chargée de cours à la Sorbonne. Des liens renvoient à vos travaux en passant par la page de l'émission Un autre jour est possible, disponible sur franceculture.fr. Demain, troisième épisode de notre série Femmes d'honneur et honneur de femmes au Moyen-Âge. À demain, Gilly Pilorger. Merci, à demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Valérie Marin-Lamellé. Bonjour Toufik Hakem. Chérir Port-au-Prince, c'est un beau titre. Chérir Port-au-Prince est le titre de votre ouvrage, édité par Philippe Ray. Chérir Port-au-Prince à travers ses artistes, ses écrivains, mais aussi des gens ordinaires que vous avez rencontrés. C'est tout à la fois un carnet de voyage, du vagabondage, comme dirait votre éditeur, un vagabondage très très porté par votre passion de la culture haïtienne. Ça date de quand, cet intérêt pour Haïti? Alors, c'est parti à mon insu, presque d'une première critique littéraire que j'avais d'ailleurs complètement oublié. C'était vraiment une première critique littéraire publiée dans l'Express. Et ça concernait le livre de Jean-Claude Fignolet, Les possédés de la pleine lune, qui paraissait au Seuil alors. Et ça m'a déjà donné une petite piqûre haïtienne, comme ça. Mais je l'avais un peu oublié, à vrai dire. Et le grand déclencheur, c'était le festival Étonnant Voyageur à Bamako, où en 2002, j'ai eu comme ça sur un plateau, comme tous les gens qui assistaient à ce festival, des rencontres avec tout ce monde afro-caribéen porté par des écrivains extraordinaires. Et j'ai fait la connaissance là de Dany Laferrière, de Lionel Trouillot, de Louis-Philippe d'Alembert, qui sont aussi de grands passeurs. C'est-à-dire que non seulement ils écrivent de beaux livres, mais en plus ils parlent de l'histoire littéraire haïtienne. On n'a qu'une seule envie, c'est d'ouvrir tous les bouquins et de voilà. Donc c'est un petit peu ça qui m'est arrivé en 2002. Et après, je me suis mise à lire très très régulièrement toute cette littérature et en effet à éprouver une certaine passion pour elle, sans m'être rendue en Haïti aucunement, mais en interviewant de plus en plus ces écrivains, notamment en 2004 aussi, où il y avait eu un focus caribéen sur Étonnant Voyageur de nouveau. Et voilà. Et puis un beau jour, ben je me suis rendue là-bas et c'était donc les rencontres, c'était quoi, Caraïbes en création, voilà, à la citadelle, l'énorme citadelle du roi Christophe au Cap-Haïtien. Et mais d'abord en arrivant même à Port-au-Prince, dans ce petit bus qui nous menait de l'aéroport au centre-ville, j'ai en effet, comme je l'écris, tout reconnu, c'est-à-dire que c'est je sais pas, ils arrivent tellement bien à parler de leur ville, à en décrire les gens surtout, plus que les lieux, sont les gens, les couleurs, les associations improbables d'une marchande de fruits et de légumes qu'on trouve comme ça au coin des rues, d'une certaine forme évidemment de pauvreté, voire de misère dans certains quartiers, et puis le surgissement des mots à tout moment sur les murs, sur les tap-tap, sur et puis une lumière incroyable de cette ville. Et il y a eu à la fois, si vous voulez, la reconnaissance immédiate de ce que j'avais lu, de ce que j'avais pu éprouver, mais aussi une grande claque quand on se retrouve devant un cloa qui monde et qu'on se dit, ok, là, on est dans un Port-au-Prince que, certes, on nous a décrit, mais qui, quand on le rencontre vraiment, fait mal, quoi, voilà. Donc, et de là est venue cette espèce d'intérêt constant pour cette association entre tout ce qu'on sait d'Haïti et de Port-au-Prince et ce qu'on n'en sait pas, ce que moi j'ai eu la chance d'en savoir par mon travail de journaliste littéraire, c'est-à-dire d'aller dans des endroits où cette création est incroyablement vivante et portée par des gens qui, dans le plus grand désarroi, s'accrochent là et sont magnifiques, quoi. Et c'est un petit peu ça que j'avais envie de raconter au fil de ces promenades qui se sont échelonnées sur quasiment 7 ans, en fait, voilà. Alors, vous disiez si bien Valérie Marin Lamellé que les écrivains haïtiens ont très bien décrit ce pays que vous découvrez en 2007. Et puis, vous-même, vous allez décider, tout de suite après ce voyage, de partager cette découverte, de partager votre passion pour la littérature haïtienne et pour le pays, notamment, bien sûr, en écrivant ce livre « Chérir Port-au-Prince » qui sort cette semaine en France, mais surtout... Bien avant, vous avez consacré de nombreux articles et même des émissions radio et même sur France Culture, puisque vous avez réalisé une ville-monde à Port-au-Prince. On écoute un extrait. Ce qui fait une ville, c'est son son. Et Port-au-Prince a un son. C'est souvent lié à la fréquence des maisons, au nombre de petits marchés, au petit bruit qu'on entend au loin de clochettes, des petits bruits aigus, des bruits sourds. C'est un mélange de choses qui fait qu'à un moment donné, cela s'intègre en vous et parvient à vous permettre de faire la sieste. C'est ça, ce sont ces bruits qui m'endorment au lieu du silence. Le silence m'effraie à Port-au-Prince. C'est souvent qu'il se passe quelque chose de grave. Moi, j'ai avec Port-au-Prince des rapports de passion, donc amour-haine, forcément. Je dis souvent, c'est comme, je ne sais pas moi, quand on est avec son conjoint ou son enfant, des fois, on les adore et puis d'autres fois, on a simplement envie de les étrangler. Moi, des fois, je déteste Port-au-Prince. Et en même temps, je suis souvent prise par Port-au-Prince. Allez, mais commencez. À travers le centre historique, à travers Bapetcheuse, à travers le Bois Vernat, il y a encore des endroits qui font rêver. Il y a des gens qui viennent pour danser. Il y a son bagne lumière, soleil couché depuis 4 heures. Coteau pralé, coteau rété, la personne au bye bye, bye bye, bye bye. La paix sur nous, bye bye, bye bye, bye bye. Valérie Marin-Lamellet, journaliste, critique littéraire au Point et auteur de Chérir Port-au-Prince. Et on a écouté un extrait d'une ville-monde que vous avez réalisé. Alors cette fois-ci, je ne dis pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Je me retrouve plein. C'était il y a 2 ans, ça? 2012, je crois. Je vais demander à Thomas Duterre. Qui est aussi le réalisateur, ouais. 2011, ça passe vite. On a reconnu donc Dany Laferrière, donc vous avez rencontré à Port-au-Prince, y compris les auteurs haïtiens de la diaspora, puisque ça fait quand même quelques décennies qu'il vit à Montréal, ou entre Montréal et une autre ville américaine, Dany Laferrière. On a entendu aussi Dominique Patraville. Oui, le poète nomade. Le poète nomade. Et Yannick Lahens, bien sûr, qui est une écrivaine. On peut considérer d'ailleurs que c'est une nouvelle génération. Ça n'a jamais cessé d'ailleurs des auteurs, une littérature haïtienne à Port-au-Prince. Il y a toujours eu des écrivains, il y a toujours eu des éditeurs, quitte à passer par Montréal et Paris. Des éditeurs, non. Il n'y a pas eu. Ouais. Il n'y avait pas d'éditeurs. Il y avait une imprimerie. Il y a toujours une imprimerie, enfin qui maintenant est un peu plus tournée vers l'édition, mais c'est l'imprimerie Deschamps qui a justement, on voit dans le cahier photo, puisque j'ai travaillé avec des photographes sur place, cet immeuble délabré où on voit la plaque de l'imprimerie Deschamps qui remet d'ailleurs un prix littéraire, mais sinon c'est beaucoup d'auto-édition et de tentatives qui malheureusement pour l'instant ne sont pas très très stables dans le temps, mais en revanche oui, il y a cette espèce de lien constant avec soit les éditions par exemple Mémoire d'Encrier qui d'ailleurs coédite mon livre pour le Québec et Haïti, et il y a aussi évidemment les éditeurs français, et ça fait un peu débat dans le sens où finalement c'est ce que Lionel Trouillot appelle la légitimation, c'est quelque chose de très important, le fait que les Haïtiens Européens devraient pouvoir se sentir eux-mêmes validés par leur propre pays en tant qu'écrivains. Or, il y a un peu toujours ce trajet obligatoire par l'édition extérieure à l'étranger pour être assis comme ça et installé comme tel. L'édition, le succès littéraire ou carrément les institutions comme l'Académie française. Voilà. Alors, est-ce que ces voyages, cette expérience haïtienne, Valérie Marin-Lamellé, vous a fait découvrir votre personnalité française à travers le regard des Haïtiens? Là, vous nous livrez un peu votre regard de journaliste sur Port-au-Prince. Et ça a été quoi le retour? Comment vous avez été perçu, vu? Qu'est-ce que vous avez découvert vous-même de votre culture française ou européenne en allant à Port-au-Prince? Ah ça, si vous voulez, ça a été une des raisons qui m'ont mené autant à Bamako, un livre précédent, qu'à Port-au-Prince. C'est cette ignorance dans laquelle nous sommes de l'histoire littéraire des autres ou l'histoire artistique des autres, avec lesquels pourtant, par l'histoire, nous avons des liens importants. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le postcolonial, entre guillemets. Et c'est vrai que là... J'ai cette ignorance, enfin j'avais cette ignorance de leur culture, alors que eux connaissaient tout de la mienne. Et c'est ce moment-là que j'ai trouvé injuste et incompréhensible, et que j'ai cherché à fouiller comme ça en m'intéressant à ce genre de culture à la fois proche et lointaine. Et ce qu'on nous renvoie, c'est voilà à quel point on a compté dans l'itinéraire intellectuel et dans la formation de tas d'écoliers en Haïti, et que l'histoire littéraire haïtienne et la nôtre est vraiment mêlée, mais qu'en même temps il n'y a pas cet équivalent, c'est-à-dire que nous sommes complètement handicapé par rapport à tout ce qu'il y aurait à connaître. Alors ça s'arrange parce que justement il y a des grandes voix, des grands noms qui touchent à l'universel et qui font qu'ils sont connus un petit peu partout, y compris en France. Mais quand même, vous demandez comme ça même à des lecteurs, est-ce que vous connaissez la littérature haïtienne, est-ce que vous êtes capable de citer un nom? Les classiques haïtiens, c'est des merveilles. À Livre en folie, la manifestation tout à fait incroyable qui a lieu chaque année à Port-au-Prince, hein, dans un grand parc, et qui réunit des tas de lecteurs haïtiens parce que le livre est beaucoup moins cher à cette période. Il va y avoir un hommage à Marie Chauvet. Marie Chauvet, c'est une femme absolument admirable qui a écrit des romans stupéfiants de beauté, qui ont d'ailleurs été édités par l'intermédiaire de Simone de Beauvoir chez Gallimard, et on ne la connaît pas et on ne la lit pas. Alors qu'entre Violette Le Duc, par exemple, et Marie Chauvet, il y a des ponts extraordinaires. C'est une littérature magnifique, donc ben voilà, puisse-t-elle être encore... mieux connu. Allez, vous le faites le générique de fin. Merci d'être passé ce matin. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel tous les matins à 6h sur France Culture, ou quand vous voulez, avec l'écoute en ligne ou le podcast disponible en quelques clics en passant par franceculture.fr. Un autre jour est possible est une émission de Toufik Hakem, réalisée par Thomas Duterre, avec la collaboration d'Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet, Emmanuel Couturier. Merci Valérie Marin-Lamellé. Demain, on se retrouve pour la suite de notre série « Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues » avec la médiéviste Julie Pilorger. Et en deuxième partie, je reçois le réalisateur libanais Rassan Salhab pour son dernier film « La Vallée » qui sort demain dans quelques salles en France. Bonne journée, à demain.